Chapitre 18e. Remontés à cheval à 8 heures, nous nous engageons dans des montagnes qui, tout de suite, changent d'aspect, deviennent très africaines cette fois, tourmentées, déchiquetées, avec des tons ardents, des jaunes d'ocre, des bruns dorés, des bruns rouges. De grandes landes, chaudes et désertes, défilent lentement, tapissées de jujubiers épineux, de broussailles maigres, et de loin en loin, au fond des étendues dévorées de lumière, nous apercevons des douars de bédouins nomades, cerclés de tentes brunes, avec des troupeaux au milieu. Sur des hauteurs solitaires que chauffe un accablant soleil, ces petites villes sauvages dessinent des ronds parfaits, semblent dans le lointain des cernes, des taches d'un brun presque noir, et l'air surchauffé tremblote partout, miroite comme une eau dont un vent léger agiterait la surface. Après la halte de midi, nous traversons une vallée cultivée, des champs d'orge d'un vert d'émeraude, luisant de soleil et piqués de coquelicots rouges. Comme nous n'avons rencontré depuis le matin que des solitudes, nous cherchons des yeux où peuvent habiter les gens qui ont ensemencé cette terre. Dans un recoin, nous découvrons leur village qui semble à moitié fantastique. 3 grands rochers noirs, pointus comme des flèches gothiques, sont debout à côté les uns des autres, absolument invraisemblables au milieu d'une prairie de velours vert. Chacun d'eux est couronné d'un nid de cigogne. Un mur en terre battue les entoure à leur base, tous 3 ensemble, et sur leurs flancs, une douzaine de petites maisonnettes lilliputiennes sont accrochées à différentes hauteurs. Il paraît n'y avoir personne dans ce singulier village, que gardent seulement les 3 cigognes, immobiles au sommet des 3 rochers. Aux environs, rien que le silence et l'accablement d'un midi d'été. Et enfin, vers 4 heures du soir, le vide immense s'ouvre une fois de plus devant nous. Une nouvelle mer d'herbage tout unie, une mer verte et jaune d'orge et de fenouil en fleurs, la plaine de Fès. Au loin, le grand atlas lui fait une imposante ceinture de cimes toutes blanches, toutes étincelantes de neige. Encore 2 lieues de route dans cette plaine, et tout à coup, sortant de derrière un pan de montagne qui circule comme un portant de décor au théâtre, la ville sainte lentement nous apparaît. Ce n'est d'abord qu'une ligne blanche, blanche comme la neige de l'Atlas, que des mirages incessants déforment et agitent comme une chose sans consistance. Les aqueducs, nous dit-on, les grands aqueducs blanchis à la chaux qui amènent l'eau dans les jardins du sultan. Puis, le même pan de montagne, s'écartant toujours, commence à nous découvrir de grands remparts gris, surmontés de grandes tours grises, et c'est une surprise pour nous de voir Fès d'une teinte si sombre au milieu d'une plaine si verte, quand nous nous l'étions imaginée toute blanche au milieu des sables. Elle a l'air étonnamment triste, il est vrai, mais vue de si loin, entourée de ces fraîches cultures, on a peine à croire que c'est bien là l'impénétrable ville sainte, et notre attente en est presque déçue. Pourtant, peu à peu, on se sent impressionné par le calme des alentours. On a conscience qu'un sommeil étrange pèse sur cette ville, qui est si haute et si grande, et qui n'a à ses abords ni un chemin de fer, ni une voiture, ni une route. Rien que des sentiers d'herbe où passent lentement de silencieuses caravanes. Nous campons, pour la dernière fois, dans un lieu appelé Ansala Faradji, à 1/2 heure des grands murs crénelés. Nous entrerons pompeusement demain matin. Toutes les musiques, les troupes, la population, y compris les femmes, ont reçu l'ordre de se porter en masse à notre rencontre.